Ouais, c'est du tout en or. C'est du tout en or. Mohamed, rien à foutre de l'argent, c'est du tout en or. Y'a rien qui se passe dehors, toujours le même décor. Des gars qui se taperaient pour de l'or et on entasse les corps. On m'a jeté un sort, certains voudraient ma mort. Mais c'est pas demain que j'aiderai ou que je perdrai le nord. Je persévère par l'effort, toujours dans les transports. Je veux savoir tout ce que j'ignore, en fait lire mes rapports. La musique comme support, je viens du milieu sonore où beaucoup donnent leur cul croyant qu'on les honore. Moi c'est la feuille que je dévore, elle est mon réconfort. J'ai noyé tous mes remords, elle accepte mes torts. J'ai fait mon rap à fond, je me fous d'être hardcore. C'est pour ceux que j'adore, vois-tu ce que j'ai là-bas. Trop de problèmes, je comprends pas Pythagore. Personne n'est d'accord, et chacun veut sa part du gâteau. Sa part du trésor, parce que rien n'est gratuit. Et les porcs collaborent avec le vice encore. Et encore, pendant que monte le score, les jeunes aiment semer la police pour pratiquer du sport. C'est l'exhaleur en plein essor, je t'explique ce que je déplore. Un compte rendu de ce que j'explore dans ce texte tout en or. Rien à foutre de l'argent, c'est du tout en or. L'exhaleur, ouais les miens, ils sont tout en or. Ça peut me terroriser, je vais pas me terroriser. De perdre la vie, je dénoncerai tout, moi de cette terre horrible. Je crée mes théories, quand tout se détériorise. Je l'extériorise pour que mon historique se valorise. Ils m'ont pris pour un chiffre, simple formalité. Et leur moralité remplie d'un humour corrosif. A priori, chacun recherche une belle propriété. Ce n'est pas l'important, moi ce n'est pas ma priorité. Personne ne pourrait me donner ce que le rap m'apporte. Moi, je lui ouvre mon cœur quand il frappe à ma porte. Portrait d'une vie morose, formée par le désordre. C'est à la mode d'être coriace ou côtoyer la morgue. Et je vois large entre deux corridors, comprends la métaphore. Je trouve le voyage après une gorge écorcée. Aborigène dans mon mouvement, je ne peux pas me morfondre. Je me suis forcé à me forger sans déclarer forfait. Rien à foutre de l'argent, c'est du tout en or. L'exhaleur, ouais les miens, ils sont tout en or. Sortant de l'ordinaire, mon rap original. Dorénavant originaire de mon plus bel organe. Tant de fautes à corriger, je vois même plus l'horizon. Peu de choses autorisées, mais mec je m'organise. Pour mettre les horloges à l'heure, y'a de l'orage dans l'air. Chaque fois que je suis près du but, on me dit que je suis hors jeu. Et ouais ma vie, c'est pas la fête, c'est pas l'orgie. C'est trop souvent que je me réveille dans les orties. Et j'en place une pour Oslo, passer devant l'ordi. On sait ce que c'est nous d'aborder les moyens du bord. Le Père Noël est une ordure, aurait perdu sa honte. C'est quand la loi veut m'enseigner comment se passer la corde. Autour du cou, mais j'oriente des orteils aux oreilles toutes. C'est une chorégraphie de tout mon orthographe. Celle-là c'est pour mon mot Rachidissan et pour mon orphelin. Alors que la morphine de ma mère m'horrifie. Toujours les mêmes horaires, joués par cet orchestre. Et l'horoscope ne me dit pas quand je trouverai l'orchidée. Écoute, ça vaut de l'or, je me fous de la notoriété pour un morceau. Ce texte est fait, travailler comme l'orfèvre. Ah ouais, c'est du tout en or.